l'avais donc vu. Mon affiche. Ça se lit comme ça. Rsti. Ça peut se lire comme ça. Ça peut aussi se lire, puisque c'est en grandes lettres. Ça peut se lire R-S-I. Ce qui peut-être a suggéré à ceux qui sont avertis le réel, le symbolique et l'imaginaire. Je voudrais cette année vous parler du réel. Et commencer par vous faire remarquer que ces trois mots, réel, symbolique et imaginaire, ont un sens. Dans trois sens différents. Mais vous pouvez aussi remarquer que j'ai dit trois sens, comme ça, parce que ça semble aller tout seul. Mais s'ils sont différents, ça suffit-il pour qu'ils fassent trois? S'ils sont aussi différents que je le dis. D'où la notion de commune mesure. Qui est difficile à saisir. Sinon, à y définir l'unité comme fonction de mesure. Il y en a. Encore faut-il, pour qu'on puisse dire qu'il y en a tant, encore faut-il fonder cette unité sur le signe, que ce soit un signe ou que ce soit écrit E-G-A-L-E, ou bien que vous fassiez deux petits traits pour signifier égal l'équivalence de ces unités. Mais si par hasard, ils étaient autres, si je puis dire, l'un à l'autre. Nous serions bien embarrassés et, après tout, ce qui en témoignerait, ce serait le sens lui-même du mot « autre ». Encore faut-il distinguer dans ce sens d'autre. L'autre fait d'une distinction définie par un rapport. Extérieur-intérieur, par exemple. Comme Freud le fait, qu'il le veuille ou pas, dans sa seconde topique, qui se supporte d'une géométrie du sac. Vous voyez une chose quelque part dans les nouvelles conférences, une chose qui est censée contenir quoi? C'est drôle à dire, c'est les pulsions. C'est ça qu'il appelle le ça. Naturellement, ça le force à y rajouter un certain nombre d'ustensiles, une sorte de lunule qui tout d'un coup transforme ça en une sorte de vitellus sur lequel se différencierait un embryon. C'est évidemment pas ce qu'il veut dire. Mais c'est regrettable que ça le suggère. Tels sont les désavantages des figurations imagées. Je ne vous dis pas tout ce qu'il est forcé de rajouter encore. Sans compter je ne sais quelle hachure qu'il intitule du surmoi. Cette géométrie du sac, c'est bien quelque chose à quoi nous avons affaire au niveau de la topologie, à ceci près que, comme peut-être l'idée vous en est venue, ça se crayonne sur une surface. Et que le sac, nous sommes forcés de l'y mettre. Sur une surface, ça fait un rond. Et de ce rond, il y a un intérieur et un extérieur. C'est avec ça qu'on est amené à écrire l'inclusion, à savoir que quelque chose, I par exemple, est inclus dans un et un ensemble. L'inclusion, vous savez peut-être comment ça s'écrit comme ça. On a déduit un peu vite qu'on pouvait glisser de l'inclusion qui est là au-dessus au signe inférieur à et savoir que I est plus petit que E. Voilà donc le premier autre défini de l'extérieur à l'intérieur. Seulement, il y a un autre. Lui que j'ai marqué d'un grand A, qui lui se définit de n'avoir pas le moindre rapport, si petit que vous l'imaginez. Quand on commence à se véhiculer avec des mots, on est tout de suite dans des choses trappes. Parce que ce si petit que vous l'imaginiez, eh bien, ça remet dans le coup l'imaginaire. Et quand vous remettez dans le coup l'imaginaire, vous avait toutes les chances de s'empêtrer. C'est comme ça même qu'on est parti pour l'infinitésimal. Il a fallu se donner un mal de chien pour le sortir de l'imaginaire. Qu'il soit trois, ce réel, ce symbolique et cet imaginaire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux banques. Une pente qui nous entraîne à les homogénéiser, ce qui est raide. Parce que quel rapport ont-ils entre eux? Eh bien, c'est justement là ce dans quoi, cette année, je voudrais vous frayer la voix. On pourrait dire que le réel, c'est ce qui est strictement impensable. Ça serait au moins un départ. Ça ferait un trou dans l'affaire. Et ça nous permettrait d'interroger ce qu'il en est de dont n'oubliez pas que je suis parti, à savoir de trois termes en tant qu'ils véhiculent un sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sens? Surtout si vous y introduisez ce que je m'efforce de vous faire sentir, c'est que, pour qu'il en est de la pratique analytique, c'est de là que vous opérez, mais que d'un autre côté, ce sens, vous n'opérez qu'à le réduire, que c'est dans la mesure où l'inconscient se supporte de quelque chose, il faut bien le dire, le plus difficile de ce que j'ai eu à introduire, quelque chose y est, par moi défini, structuré, comme le symbolique, c'est l'équivoque fondamental à ce quelque chose dont il s'agit sous ce terme du symbolique que toujours vous opérez. Je parle à ceux qui sont ici dignes du nom d'analyste. L'équivoque, ça n'est pas le sens. Le sens, c'est ce par quoi répond quelque chose qui est autre que le symbolique. Et ce quelque chose, il n'y a pas moyen de le supporter autrement que de l'imaginaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Est-ce que même ça existe puisque vous soufflez dessus? Rien que de prononcer ce terme d'imaginaire. Il y a quelque chose qui fait que l'être parlant démontre voué à la débilité mentale. Et ceci résulte de la seule notion d'imaginaire en tant que départ de celle-ci est la référence au corps et au fait que sa représentation, je veux dire, ce qui pour lui se représente, n'est que le reflet de son organisme. C'est la moindre des suppositions qu'implique le corps. Seulement là, il y a quelque chose qui tout de suite nous fait achoper. C'est que dans cette notion de corps, il faut y impliquer tout de suite ceci, qui est sa définition même, que c'est quelque chose dont on présume qu'il a des fonctions spécifiées dans des organes, de sorte qu'une automobile, voire un ordinateur, aux dernières nouvelles, c'est aussi un corps. Ça ne va pas de soi, pour le dire, qu'un corps soit vivant. De sorte que ce qui atteste le mieux qu'il soit vivant, c'est précisément ce mince à propos de quoi, ou plus exactement, que j'ai introduit par la voie, cheminement de la débilité mentale. Il n'est pas donné à tous les corps, en tant qu'ils fonctionnent, de suggérer la dimension de l'imbécilité. Cette dimension s'introduit de quelque chose que la langue, et pas n'importe laquelle, la latine, je dis, bon, pour remettre à leur place ceux qui, à la latine, lui imputent justement cette imbécilité, c'est justement la seule qui, au lieu de foutre là un terme opaque, comme le nous, ou autre métaphore d'on ne sait quoi, d'un savoir dont lui pour sûr nous ne savons pas s'il existe, puisque c'est le savoir supposé par le réel, le savoir de Dieu. C'est certain qu'il existe. Nous avons assez de peine à nous donner pour les plaies. Il existe, mais seulement au sens que j'inscris les termes existants à l'écrire autrement qu'il se fait d'habitude. Il existe peut-être, mais on ne sait pas où. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui consiste n'en donne nul témoignage. Alors, il y a quelque chose d'un tout petit peu frappant à voir que la langue, soupçonnée d'être la plus bête, c'est justement celle-là qui forge ce terme intelligéré, lire entre les lignes. Je vois ailleurs que la façon dont le symbolique s'écrit, c'est dans cet effet d'écriture du symbolique que tient l'effet de sens. Autrement dit, d'imbécilité. Celui dont témoigne jusqu'à ce jour tous les systèmes dits de la nature, sans le langage, pas le moindre soupçon ne pourrait nous venir de cette imbécilité qui est aussi par quoi le support qu'un corps nous témoigne, vous le rappelle, de l'avoir dit tout à l'heure, mais ça vous a fait ni chaud ni froid, témoigne d'être vivant. À la vérité, cette masse attestée de la débilité mentale, et quelque chose dont je n'espère pas. sous aucun mode sorti. Je ne vois pas pourquoi ce que je vous apporterai serait moins débile que le reste. Je serais bien là. Prendrait son sens, cette peau de banane qu'on m'a glissée sous le pied. En me coinçant comme ça au téléphone pour que j'aille faire à Nice une conférence. Je vous le donne en mille. On m'avait foutu le titre sous la patte, le phénomène Lacan. Justement, je m'attends pas à ce que ça soit un phénomène, à savoir que ce que je dis soit moins bête que tout le reste. La seule chose qui fait que je persévère, et vous savez que je ne persévère pas sans y regarder à deux fois, je vous ai dit la dernière fois ce en quoi j'hésitais à remettre ça cette année. C'est qu'il y a quelque chose que je crois avoir saisi. Je ne peux même pas dire avec mes mains, avec mes pieds. C'est l'entrée en jeu de cette trace que dessine, ce qui bien apparemment n'est pas aisément supporté, notamment par des analystes. C'est l'expérience analytique. De sorte que s'il y a un phénomène, ça ne peut être que le phénomène lacanalyste. Ou bien Lacan, pas d'analyste. Il y a quelque chose qui s'est produit, pourtant je vous en fais part, comme ça, parce que je me laisse entraîner. Hein. Naturellement, je pouvais rien leur expliquer de ça, puisque pour eux, j'étais un phénomène. Hein. Les organisateurs, ce qu'ils voulaient, c'était l'attroupement. Hein. Il y a toujours de l'attroupement pour regarder un phénomène. Alors, je n'allais pas leur dire, mais vous savez, je ne suis pas un phénomène. Hein. Ça aurait été de la Fernainung. Enfin, j'ai débloqué une bonne petite rincarde. Je ne peux pas dire que je sois content de tout ce que je leur ai raconté, parce que qu'est-ce que vous voulez leur raconter en une heure et quart? Moi, avec vous, j'imagine, bien sûr, que j'ai un nombre d'heures, comme c'est un tout petit peu plus que trois, c'est sans limite. J'ai bien tort, parce qu'en réalité, elles ne sont pas plus de 50, en étant ce que j'aurai d'ici la fin de l'année. Mais c'est ça qui aide à prendre le chemin. Bref, au bout de un quart de déblocage, je leur ai posé, qu'est-ce que je dis? Je leur ai demandé de m'en poser. C'était une demande. Eh bien, vous m'en croirez, si vous voulez. Contrairement à vous, ils m'en ont posé. Pendant trois quarts d'heure. Et je dirais plus, ces questions avaient ceci rapport. C'est qu'elles étaient des questions pertinentes. Pertinentes, bien sûr, comme ça, dans une deuxième zone. Là. Enfin, c'était le témoignage de ceci que dans un certain contexte, celui où je n'insiste pas, il pouvait me venir des questions. Et des questions pas belles, des questions. En tout cas, qui m'imposait de répondre. De sorte que je me trouvais dans cette situation sans avoir eu à récuser le phénomène lacanien, de l'avoir démontré. Ça, naturellement, c'était même pas sûr qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes que c'était ça le phénomène lacanien. À savoir que j'ai des effets pour un public qui n'a entendu comme ça par répercussion que de très loin ce que je peux articuler dans cet endroit qui est ici et où je fais mon enseignement frayé pour l'analyste. Le discours même le supporte, si tant est que ce soit bien du discours et du discours toujours que de cette chose que nous essayons de manipuler dans l'analyse partie d'un discours. Je dis donc que c'est ça le phénomène. Il est en somme la vague. Si vous me permettez d'employer un terme qui est celui qui aurait pu me tenter d'écrire les lettres dans un autre ordre, au lieu des récits RIS, ça aurait fait un ri, le fameux ri de l'eau, sur lequel justement quelque part dans mes écrits, j'équivoque, j'ai recherché la page tout à l'heure, il y avait quelqu'un là, un copain du premier rang qui les a fait ces écrits. Je l'ai trouvé, c'est à la page 166 que je joue sur ce rideau, voire à y impliquer, mon cher ami, l'héris dominant, je ne sais pas quoi. Il faut évidemment que je me réconforte en me disant que ce phénomène n'est pas unique, mais particulier. Je veux dire qu'il se distingue de l'universel. L'ennuyeux, c'est qu'il soit jusqu'à ce jour unique au niveau de l'analyste. Il est pourtant indispensable que l'analyste soit au moins deux. L'analyste pour avoir des effets et l'analyste qui ses effets les théorise. C'est bien en ça que m'était précieux que m'accompagne une personne qui peut-être lui ai pas demandé, à ce niveau précis du phénomène dit lacanien, a pu s'apercevoir précisément là, au niveau de ce que j'avais à dire, de ce que je viens maintenant dénoncer, à savoir que ce phénomène, je l'ai simplement cette fois-là démontré par le fait que de là, cet attroupement, j'ai reçu des questions. Et que là seulement est le phénomène de cette personne, dont je ne doute pas. Et analyste, elle a pu s'apercevoir que ce phénomène, je l'avais. De ce peu que j'ai dit, était, je vous le répète, détestable, démontré. Voici fermer la parenthèse, et je veux maintenant revenir à ce dans quoi j'ai aujourd'hui à avancer. C'est à savoir que je n'ai trouvé, pour dire le mot, qu'une seule façon de leur donner à ces trois termes réels, symboliques et imaginaires, comme une mesure, caler noué de snœuds bobo-bobo-boroméens. En d'autres termes, qu'il faut s'intéresser à ce que j'ai figuré là sur le tableau. Et vous avez pu voir, pas sans mal, pour m'être plusieurs fois trompé de couleur. Car c'est bien là que nous retrouverons tout le temps la question. Qu'est-ce qui distingue, ce en quoi consiste chacun de ces choses que, dans un temps, j'ai désigné de ronde ficelle, qu'est-ce qui distingue chacun des autres? Absolument rien que le sens. Et c'est en quoi nous avons l'espoir. Un espoir, mon Dieu, sur quoi vous pouvez faire fond. Parce que l'espoir, il n'est que pour moi dans cette affaire. Mais si je n'avais pas la réponse, comme vous le savez, je ne poserais pas la question. Nous avons l'espoir. Je vous laisse l'espoir à court terme, il n'y en a pas d'autre. Que nous fassions cette année un pas ensemble, un pas qui seulement consiste en ceci que si nous avons gagné quelque part quelque chose, c'est forcément, c'est sûr, aux dépens d'autre chose. D'autres termes, si le discours analytique fonctionne, c'est sûrement nous y perdions quelque chose ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que nous pourrions bien perdre si vraiment ce que je viens de dire, à savoir que tous les systèmes de la nature jusqu'ici surgis sont marqués de la débilité mentale, à quoi bon tellement y tenir? Il nous reste quand même ces appareils pivots dont la manipulation peut nous permettre de rendre compte de notre propre, j'entends à nous, analystes, opération. Sur le nœud boroméen, je voudrais un instant vous retenir. Le nœud boroméen consiste en strictement ceci, que 3 en est le minimum. Si vous faites une chaîne avec ce mot pour vous a de sens ordinaire, ça. Si vous dénouez 2 anneaux de la chaîne, les autres anneaux demeurent noués. La définition du nœud boroméen part de 3. C'est à savoir que si de 3 vous rompez un des anneaux, ils sont libres tous les 3. C'est-à-dire que les 2 autres anneaux sont libérés. Le remarquable dans ceci, qui est un fait de consistance, c'est que d'anneau à partir de là, vous pouvez en mettre un nombre indéfini. Il sera toujours vrai que si vous rompez un de ces anneaux, tous les autres, si nombreux soient-ils, seront libres. Je vous ai déjà, je pense, suffisamment fait sentir, dans un temps déjà périmé, que pour prendre l'exemple ainsi fabriqué, il est tout à fait concevable qu'un autre vienne passer dans la boucle brotiste. Réalisé par le pliage de ce petit cercle et que vous saisissez immédiatement à simplement rompre le cercle qui ici empêche le tiers de se libérer, la boucle pliée va glisser ceci, à mettre un nombre indéfini de cercles. Vous voyez par quel mécanisme vraiment sensible, immédiatement imaginable, tous les anneaux se libèrent, quel qu'en soit le nombre. Cette propriété est à elle seule ce qui homogénéise tout ce qu'il y a de nombre à partir de 3. Ce qui veut dire que dans la suite des nombres entiers, 1 et 2 sont détachés. Quelque chose commence à 3 qui inclut tous les nombres, aussi loin qu'ils soient dénombrables, et c'est bien ce sur quoi j'ai entendu mettre l'accent dans mon séminaire, notamment de l'année dernière. Ce n'est pas tout. Pour borroméaniser un certain nombre de temps consistant, il y a beaucoup plus d'une seule manière. Je vous l'ai indiqué déjà en son temps, il y a très probablement une quantité qu'il faut, il n'y a aucune raison de ne pas qualifier d'infini, d'infini au sens du numérable, puisque vous n'avez un instant qu'à supposer la façon suivante de faire une boucle. Pour vous apercevoir que vous pouvez la multiplier indéfiniment, vous y êtes, à savoir en faire. Faire de ces boucles autant de tours que vous voulez pour nouer ensemble de tors, et que ce sera qu'il n'y a aucune limite plausible à cet arrangement, et que par conséquent, rien que déjà dans cette dimension, il y a moyen de nouer ensemble l'un à l'autre autant de façon qu'il est possible d'en rêver à l'occasion, que vous pouvez même en trouver d'autres, qu'il n'en sera pas moins vrai que le nœud borroméen, quel qu'il soit, a pour limite inférieure le nombre 3, que c'est toujours de 3 que le nœud borroméen portera la marque, et qu'à ce titre, vous avez tout de suite à vous poser la question à quel registre appartient le nœud borroméen. Est-ce au symbolique, à l'imaginaire ou au réel. J'avance dès aujourd'hui, dans la suite, je me permettrai démontrer. J'avance ceci. Le nœud borroméen, en tant qu'il se supporte du nombre 3, est du registre de l'imaginaire. C'est en temps que l'imaginaire s'enracine des trois dimensions de l'espace. J'avance ceci. J'avance ceci qui ne va nulle part se conjurer avec une esthétique transcendantale. C'est au contraire parce que le nœud borroméen appartient à l'imaginaire, c'est-à-dire supporte la triade de l'imaginaire, du symbolique et du réel, c'est en tant que cette triade existe, de ce que s'y conjoigne l'addition de l'imaginaire, que l'espace en tant que sensible se trouve réduit à ce minimum de trois dimensions, soit de son attache au symbolique et au réel. D'autres dimensions sont imaginables et elles ont été imaginées. C'est pour tenir au symbolique et au réel que l'imaginaire se réduit à ce qui n'est pas un maximum imposé par le sac du corps, ce qui n'est pas un maximum, mais ce qui, au contraire, se définit d'un minimum, celui qui fait qu'il n'y a de nœud borroméen que de ce qu'il y en ait au moins trois. Je vais ici. Avant de vous quitter, vous donner une petite indication, quelques points, quelques ponctuations de ce que nous allons avoir cette année à démontrer. Si tant est, ici, du rond bleu, j'ai figuré le réel, du rond blanc, le symbolique, et du rond rouge, celui qui se trouve se supporter du 3, être figuré ici les dominants, je voudrais vous faire remarquer que il n'est nullement impliqué dans la notion du nœud comme tel, du nœud borroméen, qu'il s'agisse de rond, de ficelle ou de tord. Il est tout aussi concevable que, conformément à l'intuition qui fut celle de Sargue dans la géométrie ordinaire, ces ronds s'ouvrent, ou pour le dire simplement, deviennent des cordes, censées pourquoi pas, rien ne nous empêche de le poser comme un postulat, se rejoindre, pourquoi pas, à l'infini. Il n'y en a pas moins moyen de définir ce qu'on appelle un point, à savoir quelque chose d'étrange que la géométrie euclidienne ne définit pas, et pourtant dont elle se sert comme support, puisque à l'occasion elle y ponctue l'individu. C'est à savoir que le point dans la géométrie euclidienne n'a pas de dimension du tout, qu'il a zéro dimension, contrairement à la ligne, à la surface, voire au volume, qui respectivement en ont une, deux, trois. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la définition que donne la géométrie euclidienne du point comme de l'intersection de droite, quelque chose dont je me permettrai de dire quelque chose qui pêche, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de droite de glisser l'une sur l'autre seul peut permettre de définir comme tel un point. Je dis présent. Comme ceci. À savoir, trois droites qui ne sont pas ici. De simples arêtes, des traits de scie, des ombres, mais qui sont effectivement trois droites constantes qui, au point central, réalise ce fait, l'essence du nœud borroméen, c'est-à-dire qui détermine un point comme tel, à savoir quelque chose pour quoi alors il nous faut inventer autre chose que simplement l'indication d'une dimension qui soit zéro, c'est-à-dire qui ne dimense pas. Je vous suggère de faire l'essai de ceci, qu'il n'y a pas là simplement très banal, à savoir que ceci se supporte aussi bien de trois surfaces, je veux dire, qu'avec trois surfaces, vous obtenez l'effet du point d'une façon aussi valable que celle qui figurait ici, disons, avec trois cordes. Que d'autre part, vous pouvez rendre sensible que les trois ces cordes, vous les obtiendriez de jeu libre, c'est-à-dire sur trois surfaces ne se coinçant pas, si vous partiez, non pas la chaîne telle qu'elle est constituée dans le nœud borroméen, mais de cette chaîne deux par deux dont j'ai évoqué tout à l'heure le fantôme au passage, qu'a dénoué des boucles nouées deux par deux, ce que vous obtenez, ce sont trois droites libres l'une sur l'autre, c'est-à-dire ne se coinçant pas, ne définissant pas le point comme tel. Ce que je veux, avant de vous dire, vous annonce. C'est donc ceci. C'est clair. Ici, il fait que nous pouvons voir que avec deux droites infinies, nous pouvons à nouer un seul rond de ficelle maintenir la propriété du nœud borroméen à cette seule condition que les deux droites ne sauraient quelque part entre ce nœud et l'infini se recouper que d'une seule façon. C'est à savoir, pour prendre la ligne droite R, il faut la tirer, si je puis dire, en avant, alors que la ligne S de la figure de droite on ne peut la tirer qu'en arrière. Il ne faut pas, en quelque sorte, qu'il ne faut pas qu'elle soit amenée à se boucler deux à deux. Ce que, de toute façon, exclut la figure centrale qui, ayant déjà fait qu'une des boucles, qu'un des ronds, soit le rond blanc sur le rond rouge, définit de ce seul fait, quel que soit son sort ultérieur, la position stricte de la droite infinie bleue qui doit passer sous ce qui est sous et sur ce qui est dessus, pour m'exprimer d'une façon simple. À cette condition, le nœud borroméen fonctionne. Je voudrais vous indiquer ceci. C'est que si nous situons le bleu qui réel, si nous situons le rond qui s'appelait et celui-ci d'imagine, je me permets vous indiquer ici ce se situe d'une mise à plat, autrement dit, d'une réduction de l'imaginaire. Car il est clair que l'imaginaire, toujours, tend à se réduire d'une mise à plat, que c'est là-dessus que se fonde toute figuration. Étant bien entendu que ça n'est pas parce que nous aurions chiffonné ces trois rondes ficelles qu'ils seraient moins noués borroméennement dans le réel, c'est-à-dire au regard de ceci que chacun d'eux dénoué libère les deux autres, la chose serait toujours vraie. Comment se fait-il qu'il nous faille cette mise à plat pour pouvoir figurer une topologie quelconque? C'est très certainement une question qui attient à celle de la débilité que j'ai qualifiée de mentale, pour autant qu'elle est enracinée du corps lui-même. Petit ça est écrit ici, soit dans l'imaginaire, mais aussi bien dans le symbolique, j'inscris la fonction dite du sens. Les deux autres fonctions, celles qui relèvent de ce qui est à définir comme au regard du point central, permettant d'y ajouter trois autres points, ceci est quelque chose d'à définir, nous avons jouissance. Il s'agit de savoir ces deux jouissances pour autant que, par exemple, une, nous pourrions la définir, mais laquelle? Jouir de la vie, si le réel, c'est la vie que nous sommes amenés à référer. Mais est-ce sûr? Si le réel, c'est la vie, la jouissance, pour autant qu'elle participe de l'imaginaire du sens, le jouir de la vie, pour tout dire, c'est quelque chose que nous pouvons situer. Donc, ceci qui, notons-le, n'est pas moins un point que le point central, le point dit de l'objet petit a, puisqu'il conjoint à l'occasion trois surfaces qui également se coince Qu'en est-il d'autre part de cet autre mode de jouissance? Celui qui se figure d'un recoupement, un terrain, qui vient dit le réel, le coincé, à la périphérie de deux autres rondes ficelles. Qu'en est-il de cette jouissance? Ce sont des traits, des points que nous aurons à élaborer, puisqu'aussi bien ce sont ceux qui nous interrogent. Un point que je suggère est d'ores et déjà celui-ci, pour revenir à Freud, c'est à savoir que quelque chose de triadique, il l'a énoncé. Inhibition, symptôme, angoisse. Je dirais que l'inhibition, comme Freud lui-même l'articule, est toujours affaire de corps, soit de fonction. Et pour l'indiquer, je dirais que l'inhibition, c'est ce qui, quelque part, s'arrête de s'immiscer, si je puis dire, dans une figure qui est figure de trou du symbolique. Nous aurons à discuter cette inhibition pour savoir si ce qui se rencontre chez l'animal, où il y a dans le système nerveux centre inhibiteur, est quelque chose qui est du même ordre que cet arrêt du fonctionnement en tant que imaginaire, en tant que spécifié chez l'être parlant, s'il est concevable que quelque chose soit du même ordre, à savoir la mise en fonction dans le névrax, dans le système nerveux central, d'une activité positive en tant qu'inhibitrice. Comment est-il concevable que l'être présumé, n'avoir pas le langage, se trouve conjoint dans le terme d'inhibition quelque chose du même ordre que ce que nous saisissons là au niveau de l'extériorité du sens, que ce que nous saisissons là comme relevant de ce qui se trouve en somme extérieur au corps, à savoir cette surface, pour la topologiser la façon dont je vous ai dit que c'est assurément seulement sur deux dimensions que ceci se figure, comment l'inhibition peut avoir affaire à quel effet d'arrêt qui résulte de son intrusion dans le champ du symbolique. Il est à partir de ceci, et pas seulement à partir, il est tout à fait saisissant de voir que l'angoisse, en tant qu'elle est quelque chose qui part du réel, il est tout à fait sensible de voir que c'est cette angoisse qui va donner son sens à la nature du sens qui se produit ici du recoupement mis en surface, du recoupement eulérien du réel et du symbolique. Enfin, pour troisième terme, c'est dans le symptôme que nous identifions ce qui se produit dans le champ du réel. Si le réel se manifeste dans l'analyse et pas seulement dans l'analyse, si la notion de symptôme a été introduite bien avant Freud par Marx, de façon à en faire le signe de quelque chose qui est ce qui ne va pas dans le réel. Si en d'autres termes, nous sommes capables d'opérer sur le symptôme, c'est pour autant que le symptôme est de l'effet du symbolique dans le réel. C'est pour autant que ce symbolique tel que je l'ai dessiné va se compléter ici. Et pourquoi est-ce extérieur? C'est ce que j'aurai à manipuler pour vous dans la suite. C'est pour autant que l'inconscient, et pour tout dire, qui répond du symptôme, c'est pour autant que ce nœud, lui, bien réel, quoique seulement reflété dans l'imaginaire, c'est pour autant que ce nœud rencontre un certain nombre d'inscriptions par quoi les surfaces se répondent, que nous verrons que l'inconscient peut être responsable de la réduction du symptôme.